pas par où commencer, ni comment expliquer tout ça. Juste mon cœur va pour toi, et cette chanson je l'ai faite rien que pour toi. Toi jolie demoiselle à laquelle mon cœur s'est attaché si vite. Tout s'embrouille dans ma tête, trop de temps pour comprendre que je suis amoureux. Ton visage le vois même en fermant les yeux. Écoute, c'est mon cœur qui te parle. À mes yeux t'es devenu comme une perle rare. Ta voix si douce résonne dans mes oreilles. T'as émerveillé en moi des envies à nul autre pareil. Ouvre-moi la porte de ton amour, et ensemble nous verrons la lumière du jour. Près de moi tu seras comme une reine. Tout sera sourire et ton cœur oubliera toute peine. Plus jamais tu devras souffrir, ça je te le promets. Je te parle avec sincérité, je ressens plus que de l'amitié. Même quand t'es loin je te sens si proche de moi. Mon cœur reste attaché à toi, et pour rien je ne détruirai notre amitié. Parfois j'aimerais te dire que t'es un ange, et pour moi c'est une grande chance de t'avoir connu. Même si des fois mes paroles t'ont déçu, sache que toutes ces choses je ne les pensais pas. Mais là ça passe de l'amitié à l'amour impossible, et certaines choses restent toujours inexplicables. J'ai tant de choses à te dire, trop de choses qui me font souffrir. Mais il est trop tard, car à travers ton regard j'ai compris l'amour impossible. J'ai tant